FrenchPod.com. T'as réservé un restaurant pour l'anniversaire de Julie ? Oui, pour jeudi soir, 21h. J'ai réservé pour 11 personnes au Franchouillard. Au Franchouillard ? Mais c'est trop cher ! Je connais le patron et il nous fait un menu spécial avec une réduction. En entrée, il y a au choix une salade de chèvre chaud ou un plateau de fruits de mer. En plat principal, au choix du rôti de bœuf avec champignons et sauce au poivre ou pavé de saumon et sa sauce blanche. Et pour le dessert, au choix, fondant au chocolat ou crème brûlée. Waouh ! Avec une bouteille de vin de la cuvée du patron pour deux personnes, donc vin compris, cela fait 30€ par personne. C'est raisonnable, non ? Ouais, c'est parfait. Surtout que ce restaurant est très réputé. Mais il nous faut aussi du champagne. J'ai pensé à tout. Chaque invité a droit à une coupe de champagne, cadeau de la maison. Waouh !